Dans une vidéo précédente de cette chaîne, nous avons donné plusieurs preuves historiques, géographiques, linguistiques que c'est un groupe judéo-chrétien, appelé les judéo-nazaréens, qui ont écrit les premiers textes du Coran. Ils l'ont écrit en Syrie, la Grande Syrie, ou le Levant, c'est ce qu'on appelle en arabe Bilad Sham. Les Romains l'appelaient l'Arabia Petra, c'est-à-dire l'Arabie des pierres, donc c'est la Grande Syrie. Et ce groupe religieux syrien, les judéo-nazaréens, étaient aussi appelés les Ébionites. En arabe, ils sont appelés An-Nasara, les judéo-nazaréens. Et contrairement à ce que prétendent les musulmans, les judéo-nazaréens, An-Nasara, ne sont pas les chrétiens. Les chrétiens s'appellent Al-Masihiyoun. Et dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire et l'identité de ces gens mystérieux, les judéo-nazaréens An-Nasara, afin de percer leur énigme et percer aussi le mystère du Coran. Pourquoi et comment ce livre étrange a été fabriqué, a été écrit? Et pour cela, on va répondre à plusieurs questions. Question 1. Qui sont exactement les judéo-nazaréens? An-Nasara. D'où viennent-ils? Quel est leur lien avec le chef religieux militaire appelé Mohammed? Mohammed historique, le vrai, et non pas le Mohammed, le prophète de l'islam qui est un personnage imaginaire qui n'a jamais existé. La question 2 est pourquoi les judéo-nazaréens, An-Nasara, se sont fatigués à écrire le Coran? Pour quelle raison? Alors qu'ils avaient leur propre livre sacré. Que voulaient les judéo-nazaréens avec le Coran? La question 3. C'est quoi la religion des judéo-nazaréens? Et puisque le Coran a été écrit par les judéo-nazaréens, si c'est vrai, est-ce que leur religion, le judéo-nazaréisme, An-Nasraniya en arabe, cette religion, est-ce qu'elle coïncide avec le Coran ou pas? Nous verrons dans cette vidéo que le judéo-nazaréisme coïncide exactement avec la religion décrite par le Coran. Évidemment, cette religion n'est pas l'islam. L'islam en tant que religion n'existe pas dans le Coran. Pas le mot islam. Le mot islam existe dans le Coran, mais il veut dire simplement perfection. L'islam, en tant que religion, a été créé 200 ans après le Coran par les Abbasides dans la zone Irak, Iran, Khorasan, en Asie centrale. Donc là, c'était la question 3. La question 4, si le Coran a été écrit par les judéo-nazaréens, An-Nasara, pourquoi certains versets du Coran insultent-ils les judéo-nazaréens et les traitent d'infidèles, de mécréants qui vont brûler en enfer d'Allah? Quelle est cette contradiction? Et nous verrons dans la vidéo que le sens du mot Nasara, nazaréen, dans le Coran, a été falsifié dès les origines par les Abbasides. Et cela pour cacher l'origine judéo-nazaréenne du Coran. Et les Abbasides et leurs théologiens sont allés dans leur falsification du mot Nasara jusqu'à ajouter ce mot dans une dizaine de versets coraniques. On verra lesquels dans la vidéo. Et on arrive à la question 5 qu'on va traiter. Que sont devenus les judéo-nazaréens? Ont-ils disparu comme les chrétiens d'Orient, qui étaient les habitants premiers, majoritaires d'Égypte, de Syrie, d'Irak, d'Israël et Palestine? Où sont les judéo-nazaréens? Où sont-ils actuellement, s'ils ont survécu? Alors, la question 1, qui sont les judéo-nazaréens? An-Nasara. Les judéo-nazaréens, ou les ébionites, sont une secte judéo-chrétienne qui est apparue à Jérusalem au 1er siècle de notre ère. Et plus exactement, les judéo-nazaréens, An-Nasara, sont une secte juive qui qui croient en Jésus-Christ. Mais en tant que prophète seulement, Jésus-Christ est Messie envoyé par Dieu, et non pas fils de Dieu. Évidemment, les juifs rabbiniques et les chrétiens trinitaires, comme les catholiques et les orthodoxes, considéraient tous les deux que les judéo-nazaréens étaient une secte hérétique et qu'il fallait la combattre. En l'an 70 de notre ère, 1er siècle, le général romain Titus a détruit le temple juif de Jérusalem pour punir les juifs qui se révoltaient contre l'occupation romaine de la terre d'Israël. Et Titus, le général, a ensuite chassé les juifs de Jérusalem. Et comme les autres juifs, les judéo-nazaréens se sont enfuis d'Israël. Ils se sont dispersés et se sont réfugiés dans les pays voisins, ce qu'on connaît actuellement la Jordanie, le Liban et la Syrie. Ce sont les territoires connus en arabe Bilad Sham, la Grande Syrie ou le Levant. Et du siècle I jusqu'au milieu du 7e siècle, les judéo-nazaréens ont ainsi vécu comme une minorité religieuse parmi les Arabes de l'Arabie à Petra, la Grande Syrie, qui eux, ces Arabes de la Grande Syrie, étaient des chrétiens, soit jacobites, soit des chrétiens nestoriens, surtout dans la partie orientale, connue sous le nom d'Irak. Et d'ailleurs, il existe encore des endroits au nord de la Syrie, actuellement, qui portent des noms hébreux. Ces noms hébreux sont des témoins de la présence des judéo-nazaréens dans cette zone, le nord de la Syrie. C'est-à-dire que la toponymie de ces endroits au nord de la Syrie est une toponymie hébreu et juive. Les voici sur la carte, à l'écran, des exemples de la toponymie juive hébreu au nord de la Syrie. On voit les lieux dits suivants. Le fort de Sion, en arabe Qal'at Suhyun. Le lieu dit Azaria, Azaria. Le lieu dit village de la Juive, Qaryat Yahudiya. On voit aussi le fort des fils d'Israël, Qal'at Bani Israël. On a aussi le mont Tanakh, Jabal Tanakh. On a aussi le mont des fils de Jacob, Jabal Bani Yaqub. On a aussi Wadi Nasara, la vallée des judéo-nazaréens, la vallée des Nasara. On a aussi Qaryat Ansar, village des Ansar, en rapport avec Nasara. Ansar, Nasara, c'est la même racine. Et finalement, on voit aussi Jabal Nasara, le mont des Nasara, le mont des judéo-nazaréens. Donc là, on a des témoins géographiques vivants de l'ancienne présence des judéo-nazaréens au nord de la Syrie. Et ces judéo-nazaréens vivaient parmi la population chrétienne arabe et araméenne de Syrie. Ils parlaient donc la langue arabe et la langue araméenne syriaque de leurs voisins, les Arabes. Mais en tant que minorité d'origine juive issue d'Israël, les judéo-nazaréens parlaient aussi l'hébreu, au moins pendant les rituels religieux. Donc, en résumé, les judéo-nazaréens de Syrie parlaient trois langues, arabe, araméen syriaque et hébreu. Et là, on a une remarque extrêmement importante, car le Coran est justement écrit avec des mots qui viennent de ces trois langues, l'arabe ancien, le syriaque et l'hébreu. Et c'est ce que les spécialistes appellent l'arabe coranique. Donc la langue du Coran n'est pas l'arabe classique, c'est l'arabe coranique. La question 2. Pourquoi les judéo-nazaréens ont écrit le Coran? Les judéo-nazaréens ont écrit les premiers textes du Coran au début du 7e siècle pour convertir leurs voisins arabes, syriens, à leur religion, le judéo-nazaréisme, al-Nasraniya en arabe, et les enrôler comme soldats qui combattent à leur côté pour libérer Jérusalem de l'occupation byzantine. En effet, les judéo-nazaréens, al-Nasara, avaient une croyance très importante dans leur religion. Ils croyaient que Jésus, le Messie, allait revenir sur terre, habiter le temple de Jérusalem, le temple juif, puis fonder le royaume de Dieu sur terre. Et c'est ce qu'on appelle le messianisme, la croyance au retour d'un sauveur, un Messie. Et les judéo-nazaréens étaient justement une secte messianiste. Et pour préparer le retour de Jésus, les judéo-nazaréens voulaient libérer Jérusalem, reconstruire le temple juif et attendre Jésus, tout simplement. Mais comme ils étaient une minorité parmi les Arabes, les judéo-nazaréens n'avaient pas de soldats. Alors ils se sont tournés vers leurs voisins, les Arabes, pour les transformer en soldats, soldats de leur cause messianique. Mais avant de les transformer en soldats, il fallait d'abord les convertir au judéo-nazaréisme et les endoctriner pour qu'ils puissent se battre avec motivation et force et courage. Et par conséquent, les premiers textes du Coran que les judéo-nazaréens ont rédigés pour les Arabes, ces premiers textes n'étaient pas des textes de méditation spirituelle et de prière, mais c'était plutôt des textes de propagande militaire et religieuse. Et c'est ce fait historique qui explique pourquoi il y a très peu de spiritualité, de méditation, de prière dans les longues sourates du Coran. Ces longues sourates, ce sont les sourates écrites par les judéo-nazaréens, dès le début de leur mouvement pour libérer Jérusalem. Ces longues sourates du Coran sont des textes destinés aux soldats, aux combattants, plutôt qu'aux fidèles et croyants assoiffés de spiritualité et de prière. Et là, à cet instant de l'histoire, au début du 7e siècle, on assiste à la naissance de quoi ? Du jihad, la guerre sacrée, la guerre au nom de Dieu. Voici des exemples de versets coraniques, guerriers, combattants, destinés aux soldats arabes à Garen. Le Coran du jihad sur la route de Jérusalem. On a un verset de la sourate 2 qui dit: combattez sur le chemin de Dieu ceux qui vous combattent et n'agressez pas les autres. En arabe, ça donne وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Alors, l'expression « chemin de Dieu »,« سَبِيلَّهِ » en arabe, c'est une expression spécialement fabriquée par les judéo-nazaréens, car elle désigne le chemin ou la route de Jérusalem. Le chemin de Dieu, c'est la route de Jérusalem. Pourquoi ? Car les Hébreux attribuaient à Dieu tout ce qui concernait Jérusalem et sa région. Par exemple, la maison de Dieu, Beit Allah, c'était le temple juif de Jérusalem. Autre exemple, la terre de Dieu, Ard Allah en arabe, c'était Jérusalem et ce qui l'entoure. Et de même, les judéo-nazaréens, eux aussi, utilisaient l'expression « chemin de Dieu », Sabil Allah, pour désigner la route vers Jérusalem. Et c'est ainsi que le verset dit « combattez sur le chemin de Dieu ceux qui vous combattent ». وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Donc là, on a une incitation claire pour le jihad sur la route de Jérusalem pour la libérer des Byzantins. On a un exemple 2, le Coran du jihad sur la route de Jérusalem. Sourate 8. Et les mécréants dépensent leur argent pour bloquer le chemin de Dieu. Et ils le dépenseront, mais ils regretteront. Ils seront vaincus. En arabe, ça donne « Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun. » Donc ici, le verset fait clairement référence aux soldats byzantins, des mécréants comme dit le Coran, qui fermait le chemin de Dieu, la route de Jérusalem. C'est-à-dire, il défendait la ville contre les invasions militaires agarennes, les soldats de Mohammed. On a un troisième exemple du Coran du djihad pour Jérusalem. Pour motiver leurs combattants arabes, les judéo-nazaréens leur ont écrit dans le Coran que Dieu leur offre des butins de guerre. Par exemple, sourate 48. Allah vous a promis beaucoup de butins que vous allez saisir. En arabe, wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunaha. Donc là, les judéo-nazaréens sont malins. Ils savaient que pour motiver un soldat, il faut lui promettre de l'argent ou du sexe, des femmes. Et là, le Coran lui promet. Il lui dit « Vas-y mon pote, bats-toi et tu auras les femmes et l'argent et les biens que tu saisis en guerre. Tu auras le butin. » Allah vous a promis beaucoup de butins que vous allez saisir. « Wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunaha. » Exemple 4 du Coran du djihad sur la route de Jérusalem. Celui-là illustre le vice des judéo-nazaréens vis-à-vis de la mort et de la guerre. Car après les butins de guerre qu'ils ont promis à leurs soldats arabes, ces judéo-nazaréens, ils leur promettent maintenant le paradis après la mort. Eh oui, le paradis après la mort. Car ils disaient aux soldats arabes que s'ils mouraient dans la bataille de Jérusalem, sur la route de Dieu, la route de Jérusalem, ces soldats morts deviennent des martyrs et Allah les fera entrer au paradis directement. On a la sourate 2. Et ne dites pas que ceux qui sont tués sur le chemin de Dieu sont des morts, mais ce sont des vivants pour Allah, etc. etc. En arabe, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Donc là, clairement, les judéo-nazaréens disent à leurs soldats arabes, si vous êtes morts, c'est pas grave, vous allez être vivants en vrai, vivants au paradis d'Allah. En résumé, ces quatre versets du Coran nous décrivent de manière incroyable les textes de propagande religieuse et militaire combattante que les judéo-nazaréens ont écrits à leurs disciples, les soldats agarennes arabes, afin qu'ils ouvrent la route de Jérusalem par la force et la libérer des Byzantins. Ce sont les versets du jihad sur la route de Jérusalem. Al-jihadu fi sabilillah. Le jihad sur le chemin de Dieu. Question 3. Quelle était la religion des judéo-nazaréens ? Nasrania, en arabe. Les judéo-nazaréens étaient une secte à la fois juive et chrétienne. Mais c'était une secte hérétique. C'est-à-dire, ils rejetaient à la fois certaines choses dans le christianisme trinitaire et certaines choses dans le judaïsme. Judaïsme rabbinique. Judaïsme standard, si l'on peut dire. En effet, les judéo-nazaréens se considéraient comme des chrétiens car ils croyaient en Jésus-Christ, mais en tant qu'envoyés de Dieu et non pas fils de Dieu. Et les judéo-nazaréens se considéraient aussi comme des juifs car ils respectaient les lois de la Torah juive, comme la circoncision, l'interdiction de consommer le porc, etc. Mais à la différence des juifs rabbiniques, les judéo-nazaréens croyaient que le Messie juif était bien revenu sur terre, c'était Jésus-Christ. Les juifs rabbiniques, eux, n'ont pas reconnu la messianité de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'eux aussi considéraient que les judéo-nazaréens étaient une secte juive hérétique. Et c'est en étudiant les détails de la religion judéo-nazarienne que les historiens se sont rendus compte que cette religion coïncide presque parfaitement avec les lois coraniques. Et cette coïncidence entre les lois coraniques et la religion judéo-nazarienne est l'une des plus belles preuves, et des plus puissantes aussi, de l'origine judéo-nazaréenne du Coran. Voici des exemples sur ces lois judéo-nazaréennes qui coïncident avec le Coran. Exemple 1. Les tabous et les interdits alimentaires. Ces tabous et ces interdits alimentaires des judéo-nazaréens étaient exactement celles que l'on trouve dans le Coran. Par exemple, on trouve dans le Coran l'interdiction de manger du porc et la chair d'un animal mort ou de boire le sang ou le vin. Par contre, le Coran autorise à manger tous les produits de la mer. C'est exactement ce qu'on trouve chez les judéo-nazaréens. On a un exemple 2 sur la coïncidence entre la religion judéo-nazaréenne et le Coran, c'est la question de Jésus-Christ, le Messie. Les judéo-nazaréens croyaient que Jésus-Christ est le Messie que les Juifs attendaient, et que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Et donc, pour les judéo-nazaréens, Jésus-Christ est le serviteur et messager de Dieu, et non pas son fils. C'est exactement la croyance que l'on trouve dans le Coran, qui qualifie Jésus-Christ par cette expression « Al-Masih Abdullah wa Rasoolu » le Messie, serviteur de Dieu et son messager. Et la négation de la divinité de Jésus-Christ était au cœur de la religion judéo-nazaréenne. C'est pour cela qu'ils ont utilisé dans le Coran une expression spéciale concernant Jésus. C'est l'expression « Jésus, fils de Marie ». Le mot Jésus, Issa, est utilisé 25 fois dans le Coran. Sur ces 25 fois, 17 fois, il est nommé Jésus, fils de Marie, Issa ibn Mariam. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Coran utilise le mot Jésus, Issa, il ajoute à côté l'expression « fils de Marie ». Jésus, fils de Marie, Issa ibn Mariam. Alors, pour quelle raison cette insistance sur « fils de Marie » Ibn Mariam, Jésus, fils de Marie. En vérité, cette expression, Jésus, fils de Marie, utilisée par les judéo-nazaréens dans le Coran, cette expression n'était pas une phrase anodine, mais bien un slogan religieux affirmé et répété pour exprimer leur opposition aux chrétiens trinitaires comme les catholiques. C'est-à-dire que quand je dis Jésus, fils de Marie, j'exprime avec force mon opposition à l'expression et à la croyance « Jésus, fils de Dieu » utilisée par les autres. Et avec cette expression « Jésus, fils de Marie » Issa ibn Mariam, on est au cœur des querelles entre les chrétiens sur la nature du Christ. Est-ce qu'il est fils de Dieu ou un simple humain, etc., etc. Et avec cette expression « Jésus, fils de Marie » utilisée 17 fois dans le Coran, on a le visage judéo-nazaréen du Coran. Le Coran s'implique pleinement dans les querelles entre chrétiens, parce qu'il est un livre judéo-nazaréen et non pas musulman. On a un exemple 3 sur les croyances des judéo-nazaréens et la coïncidence avec le Coran. C'est l'évangile des Hébreux. En effet, les judéo-nazaréens ne croyaient qu'à un seul évangile. C'est un évangile appelé l'évangile des Hébreux ou l'évangile des Hébionites. Alors que les chrétiens, globalement, croient à 4 évangiles canoniques. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et bien sûr, on trouve la même chose dans le Coran qui ne parle jamais des évangiles au pluriel, mais de l'évangile. Un évangile. Al-Injil en arabe. Par exemple, la sourate 3, ou Anzalat Taurat wal Injil, et il a fait descendre la Torah et l'Évangile. Là encore, on a une coïncidence, une concordance parfaite entre le Coran et le judéo-nazaréisme, An-Nasraniya. La question 4. La place du mot Nasara dans le Coran. Dans le Coran, les judéo-nazaréens sont appelés Nasara. Mais la signification exacte de ce terme, Nasara, a été falsifié par les théologiens musulmans abbassides, qui eux affirment que le mot Nasara désigne les chrétiens trinitaires. Mais c'est faux, comme on l'a déjà signalé, car les chrétiens trinitaires, comme les catholiques et les orthodoxes, sont connus et étaient connus par le nom Masihiyoun, en arabe, qui veut dire littéralement les messiens. Masihiyoun, ça veut dire les messiens, c'est-à-dire les disciples du Messie. Et le mot Nasara est dérivé du mot Nazareth, An-Nasira en arabe, Nazareth, qui est une ville située au nord d'Israël où Jésus a vécu, selon la tradition chrétienne bien sûr. Et c'est vrai que les chrétiens étaient d'abord connus par le nom Nasara, ou Nasirion, pendant le début du christianisme, au 1er siècle, mais très très vite, dès la fin du 1er siècle, les chrétiens ont porté ce nom, chrétiens, c'est-à-dire les adeptes du Christ. En arabe, on dit al-Masihiyoun, les adeptes du Messie, messiens. Et le mot Nasara était réservé aux judéo-nazariens, c'est-à-dire les juifs qui croient Jésus-Christ. Et en prétendant que le mot Nasara désigne les chrétiens trinitaires, les théologiens musulmans ont déformé la signification réelle et historique du mot Nasara. Et ils ont effectué cette falsification linguistique dans deux endroits très importants. 1. Dans les dictionnaires. 2. Dans le Coran. Dans les dictionnaires, les théologiens et linguistes musulmans ont introduit le mot Nasara dans les premiers dictionnaires de la langue arabe. Ces premiers dictionnaires sont apparus à l'époque abbasside. Ils ont introduit ce mot avec une fausse définition, Nasara égale chrétien, ce qui est faux évidemment. Et c'est ainsi que tous les dictionnaires de la langue arabe et les autres dictionnaires des autres langues se sont transmis cette falsification linguistique. C'est-à-dire, si tu ouvres n'importe quel dictionnaire arabe, tu vas trouver que Nasara égale chrétien. Et c'est ce mot Nasara qui est utilisé par les musulmans actuellement pour désigner les chrétiens qui rejettent ce nom. Ils savent que c'est un mot falsifié. Les chrétiens sont en arabe appelés al-Masihiyoun, en vérité historique. Après cet ajout dans le dictionnaire du mot Nasara, les Abbasides ont fait un deuxième ajout, c'est dans le Coran. Et justement, l'islamologue libanais Antoine Moussali, qui est mort en 2003, a étudié ce sujet, le mot Nasara dans le Coran. Et il a conclu que les califes abbassides et leurs théologiens ont ajouté le mot Nasara dans certains versets du Coran pour faire croire que les Nasara sont des chrétiens trinitaires, Masihiyoun. Et le mot Nasara existe environ 15 fois dans le Coran. Sur ces 15 fois, vous trouverez qu'il est placé 10 fois à côté du mot juif. Les deux mots, juif, Nasara, sont associés, 10 fois sur 15, al-Yahoud wa Nasara. Par exemple, on a la sourate 5. Ô les croyants, ne prenez pas les juifs et les Nasara comme alliés. Ce sont des alliés entre eux. En arabe, ça donne Ya ayyuha alladhina amanu, la tattakhidhu al-Yahoud wa Nasara awliya'a, ba'duhum awliya'u ba'd. Dans ce verset, il y a deux problèmes. Problème numéro 1, c'est un problème historique, car ce verset affirme que les juifs et les Nasara, soi-disant les chrétiens, sont des alliés, ce qui est faux. Il dit ce sont des alliés entre eux. Ça c'est faux, car les juifs et les chrétiens n'ont jamais été des alliés, plutôt des adversaires religieux. Ça c'est le premier point, première contradiction dans ce verset. Deuxième contradiction. Ce verset contredit d'autres versets du Coran qui affirment que les Nasara, judéo-nazariens, sont les amis les plus proches des croyants, c'est-à-dire des Arabes agarènes. Alors l'explication la plus simple de ces contradictions, c'est que le mot Nasara dans ce verset a été ajouté dans un premier verset qui ne parlait que des Juifs. Il n'y avait pas le mot Nasara. Ce verset disait « Oh les croyants, ne prenez pas les Juifs comme alliés, ce sont des alliés entre eux. Et ce verset, après l'ajout du mot Nasara, est devenu « Ô les croyants, ne prenez pas les Juifs et les Nasara comme alliés ». Tout cela, tout cet ajout du mot Nasara dans les versets du Coran, étudié par l'islamologue Antoine Moussali, ça a été fait par les Abbassides pour faire croire aux lecteurs du Coran que les Nasara sont les chrétiens. En vérité, en faisant croire que le mot Nasara désigne les chrétiens, les théologiens musulmans avaient un objectif très très simple mais diabolique. C'est d'effacer la trace des judéo-nazaréens de l'histoire et de cacher l'origine judéo-nazaréenne du Coran et prétendre que le Coran n'a pas été écrit par les humains, mais c'était un livre révélé par Allah au prophète Mohammed, tout simplement. Dernière question, 5. Que sont devenus les judéo-nazaréens? Mohammed, historique, le vrai, le chef des soldats arabes à Garenne, disciple des judéo-nazaréens, est mort vers 633, sans avoir réussi à occuper Jérusalem, qui était aux mains de l'armée byzantine. Après plusieurs tentatives, les soldats de Mohammed, les soldats à Garenne, et ses maîtres judéo-nazaréens ont finalement réussi à entrer à Jérusalem victorieux vers 638. Et tout de suite, ces Arabes de Mohammed et leurs alliés les judéo-nazaréens, ont construit un petit cube en bois sur le mont du Temple, symbole de la reconstruction du Temple Jérusalem le vrai. Alors, Arabes et judéo-nazaréens n'avaient plus qu'à attendre le retour du Messie Jésus, comme ils ont toujours ardemment cru. Mais les jours, les mois et les années se sont écoulés. Et le Messie n'est pas revenu pour habiter Jérusalem. Et là, vers 640, les Arabes à Garenne ont commencé à se diviser en deux blocs. Un bloc restait fidèle aux maîtres judéo-nazariens et leur religion, et un bloc rebelle qui s'est soulevé contre les maîtres et voulait même les massacrer, car ils n'avaient pas dit la vérité sur le retour de Jésus. C'est-à-dire les maîtres judéo-nazaréens ont menti aux Arabes. Et la guerre civile a éclaté parmi les Agarènes. Et c'est cette guerre civile, certainement, que les musulmans appellent actuellement, dans leur livre d'histoire, la fitna, le trouble. Évidemment, dans les livres islamiques, vous allez lire que cette guerre civile était entre musulmans, mais en fait, les musulmans n'existaient pas, l'islam n'existait pas. C'était une guerre civile entre Arabes à Garenne qui étaient des judéo-chrétiens comme leur maître. Et d'après l'historien français, le père Édouard-Marie Gallet, une partie des judéo-nazaréens a été massacrée par les Arabes. Une autre partie s'est convertie au christianisme nestorien. Ce christianisme, le nestorien, est un christianisme en fait qui est proche du judéo-nazaréisme, dans ses croyances et ses pratiques. Donc ils se sont convertis au christianisme nestorien. Mais une troisième partie s'est enfuie pour se cacher dans des villages enclavés, des montagnes du nord de la Syrie. Les montagnes appelées actuellement les montagnes des Nasara, des judéo-nazaréens, qu'on a vu sur les cartes précédemment. Et toujours d'après Édouard-Marie Gallet, cette partie cachée des judéo-nazaréens, cachée dans les montagnes de Syrie, ces judéo-nazaréens ont fondé un groupe islamique chiite secret appelé les Alaouites. C'était une conversion superficielle à l'islam chiite pour sauver leur peau. Mais le fond de leur culte est resté judéo-nazaréen. Ça, c'est la version d'Édouard-Marie Gallet, l'historien français. Mais actuellement, la majorité des habitants alaouites de Syrie et d'ailleurs affirment que l'histoire ancienne des judéo-nazaréens ne les concerne pas, qu'elle soit vraie ou fausse, et que eux, les alaouites, sont des musulmans sincères et fidèles comme tous les autres musulmans. Ils adorent le Dieu unique Allah et croient en son prophète Mohammed. Ça, c'est la version de la majorité des Alaouites actuels.